Comment penser la réconciliation ? Dans la vie ordinaire, quand des enfants, par exemple, se disputent, il y a un terme très simple que nous faisons intervenir, que nous soyons des adultes, des enseignants, des amis. Nous faisons intervenir ce terme qui n'a l'air de rien, qui est le terme de réconciliation. Nous disons, par exemple, les enfants, voilà, c'est fini, arrêtez de vous disputer, il faut maintenant vous réconcilier. Or, ce petit terme est peut-être plus profond, plus lourd, plus riche de morale, de politique et peut-être même de métaphysique que d'autres termes que l'on emploie aussi dans la vie ordinaire mais aussi dans les discours moraux, religieux, philosophiques, quand on veut dépasser le mal que les humains se sont fait les uns aux autres et accomplir quelque chose, restituer une vie humaine par-delà les actes des uns ont pu avoir d'irréparable pour les autres. Ainsi, nous rencontrons depuis au moins la Seconde Guerre mondiale et la reconnaissance des grands crimes historiques du passé, nous rencontrons par-delà la reconnaissance de l'irréparable, des notions métaphysiques, comme celle de pardon, des notions psychologiques, comme celle de résilience, qui supposent que chacun trouve en soi une capacité de dépasser le tort qu'on lui a fait, ce qui n'est pas toujours possible, et le pardon, lui non plus, n'est pas toujours possible si la blessure est toujours à vif. Comment pardonner ce qui est irréparable ? Comment une femme, dit Avishai Margalit, peut-elle pardonner à celui qui, devant elle, a jeté son bébé à des chiens ? D'une certaine façon, ces notions métaphysiques du pardon, de la résilience, ont leur légitimité. C'est l'objet d'un débat infini. Mais dans la vie ordinaire, l'idée de réconciliation est peut-être plus modeste, mais plus profonde. L'idée de réconciliation suppose en effet celle de relation. Elle maintient le risque du négatif. Elle assume le fait que quelque chose s'est passé qui n'appelle pas une compensation mécanique, qui maintient toujours la possibilité du conflit. Se réconcilier, c'est un acte mutuel qui n'efface pas forcément la mémoire du passé, qui peut-être même suppose la reconnaissance que quelque chose a eu lieu et qui peut être extrêmement grave, mais que par un acte commun, un acte qui vient des deux côtés, on peut reconstruire quelque chose comme le cadre d'une relation possible. Se réconcilier, c'est concilier des choses contraires, et concilier, même le verbe concilier, c'est toujours assumer des contraires, et réconcilier, c'est peut-être assumer une coexistence sans vouloir la perfection du pardon ou du retour à la case antérieure. Pour se réconcilier, il faut, comme dans la commission de réconciliation en Afrique du Sud, il faut un travail commun, modeste, précis, qui n'est pas simplement juridique, mais qui n'est pas non plus théologique ou religieux, qui est la dimension de la morale entre les êtres humains face à ce qui a pu la briser.